Unité 6, leçon 2. Exercice 45. Exprimer une nécessité. Reliez les deux phrases entre elles. Utilisez « du moment que »,« vu que », »,« étant donné que », »,« dès lors », »,« puisque ». Exemple. Les enseignants sont dans le coup. Ce programme a toutes les chances de réussir. Du moment que les enseignants sont dans le coup, ce programme a toutes les chances de réussir. À vous. L'entreprise est d'accord. On peut lancer la livraison. Du moment que l'entreprise est d'accord, on peut lancer la livraison. Tout est compris dans le forfait. Vous n'aurez rien à payer en plus. Étant donné que tout est compris dans le forfait, vous n'aurez rien à payer en plus. De nombreuses personnes ont envie de travailler pour l'association. Il est facile de trouver des volontaires. Vu que de nombreuses personnes ont envie de travailler pour l'association, il est facile de trouver des volontaires. Tu as envie de venir ? Autant que tu saches tout de suite ce que tu auras à faire. Puisque tu as envie de venir, autant que tu saches tout de suite ce que tu auras à faire. On arrête le choix du collaborateur, on le met tout de suite au courant. Dès lors qu'on aura arrêté le choix du collaborateur, il faudra le mettre tout de suite au courant.